au-delà, ni mot de l'éternel. Et puis voilà que l'on entend gueuler dans les nimbus. Cette fois j'en ai marre, il est temps de leur secouer les puces. D'Andromède au fond de l'éther tourneront l'univers. Et pourtant votre fichu terre tourne encore à l'envers. Regardez l'état de l'Éden que j'avais décoré. Ces criques, ces forêts des belles, toutes défigurées. Vous ne méritiez qu'un désert, tout de l'en rejetons. Je confisque les bulldozers et tout votre béton. D'Andromède au fond de l'éther tourneront l'univers. Et pourtant votre fichu terre tourne encore à l'envers. Autres créatures, les dauphins, les oiseaux, toutes rayées de la nature ou parties dans des eaux. Ce monde, et je vous le rappelle, pour toutes mes brebis, je descendrai m'en faire appel chaque jour à midi. D'Andromède au fond de l'éther tourneront l'univers, et pourtant votre fichu terre tourne encore à l'envers. Je trouve agaçant avant tout nom de nom, c'est le vacarme assourdissant de gros coups de canon. Aussi allez-vous me laisser les drapeaux en vestiaire et courir m'effacer vos satanées frontières. D'Andromède au fond de l'éther tourneront l'univers, et pourtant votre fichu père tourne encore à l'envers. D'Andromède au fond de l'éther tourneront l'univers, et pourtant votre fichu père tourne encore à l'envers.